Dossier 12. Deuxième partie. Une réussite méritée. Tout le monde est parti, sauf le client. Corinne débarrasse les tables. Bernard arrive de la cuisine. Bon, tout est rangé dans la cuisine. Je vais pouvoir t'aider à refaire les tables. Oh, vous avez déjà fermé la cuisine? Excusez-moi, j'aurais bien pris un petit café. Mais vos insomnies? Ça va beaucoup mieux. Corinne et Bernard prennent congé du client. Excusez-moi, mais votre guérison, ça a l'air miraculeux. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était à cause de mon travail. J'ai pris un congé sans solde pendant plusieurs mois. Je viens de reprendre. Et c'est quoi votre métier? Je suis critique gastronomique. Je dirige la rubrique restaurant de Nice Matin. Au revoir. Bernard et Corinne le regardent sans pouvoir articuler une parole. Le lendemain matin, Laura et Corinne sont sur la terrasse en train de prendre leur petit déjeuner. Bernard arrive, un journal à la main. Écoutez ça! Non mais... Écoutez ça! Plus qu'un restaurant, plus qu'un simple café, le Bellevue est un endroit aussi chaleureux que gastronomique. Que vous y alliez pour goûter la cuisine de Bernard Lemoine, pour prendre un verre servi par sa charmante femme Corinne, ou pour y voir une exposition de peinture, vous serez séduit par l'enthousiasme, la gentillesse et le savoir-faire des Lemoine, ce jeune couple de Parisiens venus s'installer à Falicon, voilà près d'un an. Super, ça va nous amener un monde fou. Comme ça, on pourra agrandir la terrasse. Moi, j'ai pensé faire une véranda. Oh, j'ai plein d'idées pour faire des soirées à thème. Une soirée karaoké, par exemple. Et si on donnait des cours de cuisine? On pourrait organiser une semaine de cuisine exotique. Des soirées costumées. On pourrait faire un concours gastronomie. On pourrait créer une chaîne de restaurants. Oh oui, dans le monde entier. Raymond et Joseph vont s'asseoir sur leur banc. Et la vie du village continue.